Mireille Kanyang. Auditrice, auditeur de la radio Essanganiro, bonjour. Voici les grands titres de cette édition, la première de ce 1er octobre. Le ministre burundais de l'Intérieur éclaire l'opinion en ce qui est du paiement des taxes sur les marchandises. Vous l'entendrez. Le bureau burundais de normalisation BBN a sanctionné ce vendredi un propriétaire de station-service au chef-lieu de la province Bururi suite aux quantités non conformes servies. Dans cette édition, on sera également en province Rutana dans la région du Kumoso où les agriculteurs commencent à délaisser la culture du manioc. En international, l'Union africaine condamne le coup d'État au Burkina Faso. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgimana. Rebonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, page gouvernance. Pour débuter cette édition, des députés se demandent pourquoi certaines communes ont instauré des taxes sur toutes les marchandises traversant leur territoire. Une question qui a été soumise au ministre de l'Intérieur alors qu'il avait été invité pour répondre aux questions relatives à l'enquête menée par la Cour des comptes sur la collecte des taxes communales. Il était à la Chambre basse du Parlement burundais. On écoute l'un de ses députés, Rédempteur Gahitira, traduit en français par Robin Niyonkuru. Quand quelqu'un achète un haricot, par exemple, à Guitelani, arrivé à Butihinda, il y a une barrière où tu fais la taxe. En commune Muyinga, mêmement, tu paies encore. Y a-t-il pas moyen, Excellence ministre, qu'il y ait un mécanisme permettant de payer la taxe dans une seule commune pour éviter les surtaxes sur les mêmes marchandises qui circulent à travers le pays? Sur ce, le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteletse, dit que les taxes doivent être perçues seulement dans la commune où les marchandises ont été chargées, ainsi que dans celles de déchargement. L'écoute traduit lui aussi par Robin Niyonkuru. Tout cela est illégal. Les administrateurs ont reçu l'ordre dans un message, on ne peut plus clair, qui interdit cette pratique. C'est d'ailleurs une obstruction au développement du pays. Vraiment, si un véhicule est chargé de haricots ou du sorgho, du charbon ou autres produits, embarque à partir de Guitelani, à titre d'exemple, il paie les taxes au lieu de chargement, c'est-à-dire au lieu d'embarquement, et il va encore payer la taxe au lieu de déchargement. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'un véhicule qui entre par la frontière de Kobero vers le Congo, il payerait les taxes dans toute leur trajectoire. Or, cela est impossible. Je le répète, la taxe est payée au lieu de chargement et de déchargement. Pendant le trajectoire, il n'y a pas de taxe. Sinon, nous ne serons pas dans un même pays. C'est comme si on a autant de pays que de communes. Et les administrateurs sont au courant de cela. Le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteretse, en projet de développement et de gestion des produits palmicoles au Burundi, a été lancé officiellement ce vendredi à Rumonge. Festus Chiza, président de l'Association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, initiatrice de ce projet, dit que cela s'inscrit dans l'optique de stopper la vente précoce de la production appelée en Kirundi Umugwazo et le jeu des commissionnaires qui profitaient à d'autres personnes que le palmiculteur lui-même. Ce projet aidera aussi la commune à percevoir la juste taxe sur la vente de l'huile de palme. Le point avec Jean-Pierre Misago. La première chose que ce projet vient corriger en faveur du palmiculteur est la vente précoce de la production palmicole, selon Festus Chiza, représentant légal de l'Association pour la promotion des palmiculteurs au Burundi. Pour lui, c'est inconcevable qu'un palmiculteur se confie à son voisin avant précocement sa production palmicole pour subvenir à ses besoins urgents, et cela doit cesser. Une autre chose qui doit changer, cette fois-ci en faveur des entrées communales, est la façon de payer les taxes communales sur l'huile achetée, qui devrait désormais être calculée sur base du nombre de kilos achetés et non sur base du nombre de bidons ou de fûts achetés qui ne tenaient pas compte de leur vraie capacité. Dans tout cela, la question des commissionnaires qui ne restent plus que dans ce secteur doit être vidée en faveur du palmiculteur. Au sujet des commissionnaires, le conseiller de l'administrateur communal de Rumonge, chargé des affaires sociales et juridiques, présent dans cette rencontre, à laquelle avaient également participé les représentants de la DISCO, INADES Formation Burundi et FOPABU, a promis de s'y pencher dans les plus brefs délais. Alors que l'exécution de ce projet se fera à travers des coopératives achetant la production palmicole, certains parmi les participants dans cette rencontre ont voulu savoir si leur gestion sera transparente. Ici, Festus Chiza a déclaré qu'un système informatisé et interconnecté sera mis sur pied afin de suivre à chaque instant toutes les opérations dans les différentes coopératives. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge au sud du Burundi, rendons-nous en province Rutana dans la région de Mosso. Le prix de la farine de manioc est passé de 700 000 francs burundais cette année dans différents marchés de l'intérieur du pays. C'est notamment à Gitega et précisément à Rutana. La raison, selon les agriculteurs, est la négligence à cultiver le manioc, surtout en province Rutana, après qu'il manque de marché d'écoulement suite à la surproduction. Les années passées, le directeur provincial en charge de l'agriculture, Pierre Clavier Abagorikunda, interpelle les cultivateurs de sa province à revenir sur cette culture, car le marché d'écoulement ne posera plus problème, rassure-t-il. Le point avec Ornella Mucho. L'élément n'est pas encore disponible. Après une courte transition, on sera en province Gitega. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition réception provisoire ce vendredi à part la commune Guiheta en province Gitega d'une piste réhabilitée sous le financement de l'ONG Oxfam. Cette piste va de la route nationale numéro 2 au bureau 2, cette commune de Guiheta. Les habitants de cette commune se réjouissent de cette piste. Mais certains parmi eux disent que l'eau de pluie provenant de la dite piste endommage leur maison et champ de culture démarré. Cette piste de plus de 2 km a été réhabilitée pour un montant d'environ 400 millions de francs burundais. Les détails avec Gérard Nibigira. La chargée de projet à l'ONG Oxfam, Madame Béatrice Niungeko, indique que la réhabilitation de cette piste a été motivée par la demande des responsables de la commune Guiheta et sa population, mais aussi par des rapports de l'Organisation internationale pour les migrations OIM qui montraient que la dite piste constitue un danger par rapport aux risques et catastrophes. De son côté, Nibigira Gérard, chef de cabinet du gouverneur de Gitega, demande à l'administration communale de sensibiliser la population en matière de sauvegarde et d'entrée de cette piste et d'autres infrastructures publiques. De leur côté, les habitants de la commune Guiheta se réjouissent de la réhabilitation de la piste en question, du moment qu'avant sa réhabilitation, elle était difficilement praticable, mais actuellement, le trafic est aisé. En outre, ils promettent de l'entretenir régulièrement. Toutefois, certains des gens de Guiheta, même s'ils apprécient les travaux de réhabilitation de cette piste, ils mentionnent que les caniveaux déversent l'eau en grande quantité et endommagent leurs maisons et les champs de culture et des marais. D'où donc ils réclament la construction des caniveaux de manière que les ondes de pluie provenant de cette piste ne causent aucune catastrophe. Cependant, l'administrateur de la commune Guiheta, Mme Micheline Ninahaza, rejette en bloc ce que disent ces gens et précise qu'il n'y a aucun lien entre ces ondes dont parlent ces gens et la piste réhabilitée. Cette piste mesure 2,2 km de long et le coût de sa réhabilitation s'élève à environ 400 millions de nos francs. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Je vais l'annoncer en titre. Une amende de 2 millions de francs burundais est infligée ce vendredi par le Bureau burundais de normalisation BBN aux propriétaires de la station-service située au chef-lieu de la province Bururi qui servait une quantité de carburant non conforme aux indications du compteur. Les conducteurs de véhicules à Bururi qui grognaient depuis environ une année suite à ces tricheries saluent ces sanctions et demandent à ce bureau d'organiser plus de descentes pour vérifier le fonctionnement des stations services, surtout à l'intérieur du pays. Le point avec Zenon Nzambiman. Les employés du Bureau burundais de normalisation étaient ce vendredi au chef-lieu de la province de Bururi pour vérifier une information qu'ils avaient sur le cas de fraude signalé à la station-service de Bururi. Après vérification, ils ont trouvé que cette station servait la quantité de carburant non conforme aux données libérées par les compteurs, car sur 10 litres de carburant servi, l'acheteur perdait 100 millilitres, c'est-à-dire que sur 20 millilitres de carburant, les acheteurs perdaient au total 200 litres de carburant, selon Jean Bosco Buzokoro du Bureau burundais de normalisation. Il fait savoir que la quantité de carburant évaporé et qui est tolérable ne devrait pas dépasser 25 millilitres sur 10 litres servis. Ainsi, une amende de 2 millions de francs burundais a été infligée au propriétaire de cette station-service qui a été également fermée par le BBN en attendant la réparation des machines de la même station qui était tombée en panne, même si le propriétaire de la dite station avait déjà payé cette amende. Les conducteurs des véhicules qui grognaient depuis environ une année suite à ce cas de fraude à la station-service saluent les sanctions infligées aux propriétaires de cette station grâce au cabinet du gouverneur de la province de Bururi qui a alerté le BBN pour la vérification. Il demande aux employés du BBN d'organiser beaucoup de descentes sur terrain et surtout à l'intérieur du pays pour décourager ces cas de tricherie, ce qui est en train d'être fait dans tout le pays, selon Jean Bosco Buzokoro du BBN. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, remercie également les conducteurs des véhicules qui ont dénoncé le cas de la station service et appelle d'autres commerçants de la province de Bururi à travailler dans la légalité pour ne pas tomber dans de telles sanctions. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Depuis Bururi, disons merci à Zenon Nzambimana pour toutes ces précisions. Rendons-nous cette fois-ci en province Rutana et Gitega. C'est un retour sur un élément qui n'était pas encore disponible. Le prix de la farine de manioc est passé de 700 à 1000 francs burundais cette année dans différents marchés de l'intérieur du pays comme à Gitega et à Rutana. La raison est la négligence de cultiver le manioc, surtout à Kumoso, dans la région de Kumoso, en province Rutana, après qu'il manque de marché d'écoulement suite à la surproduction. Les années passées, le directeur provincial en charge de l'agriculture, Pierre Claver Bagorikunda, interpelle les cultivateurs de sa province de revenir sur cette culture, car le marché d'écoulement ne posera plus problème, rassure-t-il. Le point avec Ornella Mucho. La culture du manioc est aujourd'hui négligée dans la région de Kumoso. Des agriculteurs préfèrent les cultures de courte durée comme le riz, maïs. Ces cultivateurs évoquent la perte enregistrée après le manque de marché d'écoulement lors de la surproduction. Cela entraîne une baisse de production et une hausse des prix comme constaté au marché de Gitega et à Rutana. Le prix de farine de manioc passe de 700 francs à 1000 francs. Le kilogramme. Si l'on essaie de comparer, le prix a grimpé l'année passée. Un kilogramme de farine de manioc s'élevait entre 650 et 700 francs burundais. Mais maintenant, on l'achète à 800 francs burundais et on le revend à 1000 francs burundais par kilogramme. Vous comprenez que les prix ont monté. Le directeur provincial de Rutana en charge de l'agriculture, Pierre Claver Bagorikunda, confirme aussi cette baisse de production dans cette province de Rutana. Cette baisse, c'est parce qu'au moment où ils ont commencé à voir qu'il manquait ou écouler les productions, certains agriculteurs ont commencé à abandonner un peu de continuer à cultiver du manioc. Donc la production a baissé. Et à ce moment-là, maintenant, nous voyons que le prix de cette denrée commence à grimper. Il interpelle les cultivateurs de revenir plus tôt sur la culture de ce tubercule, puisque l'État a déjà prévu le marché d'écoulement Mais ce que nous recommandons aux agriculteurs, c'est de revenir aussi sur cette culture, comme je viens de le dire, parce que le marché d'écoulement ne sera pas une question, car le gouvernement a promis de prendre ça en main afin de chercher les marchés d'écoulement pour les productions qu'on voit à surplus. Comme nous le trouvons sur le site internet, plus de 70% de la population burundaise pratiquait la culture de manioc en 2018. Rendons-nous cette fois au nord du Burundi en province Kayanza pour parler environnement. Plus de 150 000 plants d'arbres de différentes espèces sont plantés dans la zone tampon de la Kibira. La réhabilitation des bâtiments des services de l'État en charge de la protection de l'environnement qui se trouve à la Kibira côté province Kayanza seront appuyés. Il faudra aussi appuyer la population habitant près du parc de la Kibira dans des projets de développement tels que l'agriculture et l'élevage. C'est un des projets qui sera bientôt réalisé par l'association Hope's Community dans le but de protéger cette réserve naturelle de la Kibira, aujourd'hui menacée par des activités humaines, disent les environnementalistes. Le point avec Patrick Senghiyumv. Dans un atelier d'information des acteurs et d'autres parties prenantes et locaux organisés en fin de cette semaine par cette association Hope's Community, président parmi les invités, ont affirmé que la réserve naturelle de la Kibira est aujourd'hui menacée par certaines activités humaines. Ils ont cité par exemple des habitants vivables près de la Kibira qui s'y rendent à la recherche du bois de chauffage, d'autres qui labourent la zone et tampon de cette forêt à la recherche des terres cultivables, sans oublier des braconniers à majorité battant du côté de la commune de Muruta, ajoutait-il. Claude Denis Kondeha, représentant de l'association Hope's Community, dit que c'est dans cette optique que l'association qui les représente a élaboré un projet dont le délai est de 18 mois qui consistera à reboiser la Kibira, appuyer la population environnante de cet écosystème à se développer via des projets agropastoraux. Le représentant de Hope's Community fait savoir que des bâtiments de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Kayanza endommagés pendant la crise seront également réhabilités dans le but de redynamiser le secteur du tourisme à la Kibira. C'est ainsi précise Claude Denis Kondeha qu'une école de tourisme sera ouverte à la Kibira. Justine Komezadusabe, conseillère du gouverneur à Kayanza en charge des finances qui avait représenté l'administration à cet atelier, a fait savoir qu'il revient en tout temps chaque de préserver la protection de la Kibira étant donné que selon elle, la vie humaine n'en dépend beaucoup d'une manière ou d'une autre. Le coût de ce projet d'après le représentant de Hope's Community est estimé à 3 millions de dollars américains. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Nsengiyumva. Une brève internationale avant de clore cette édition. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a condamné ce samedi 1er octobre ce qu'il qualifie de changement inconstitutionnel de gouvernement au Burkina Faso après le putsch militaire qui a chassé du pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et le président appelle les militaires à stopper immédiatement et totalement tout acte de violence ou menace contre la population civile, les libertés publiques et les droits humains, affirme l'Union africaine dans un communiqué qui appelle à une restauration de l'ordre constitutionnel au plus tard en juillet de l'année prochaine. Voilà, 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana qui l'a mise en onde tout de suite après cette édition. Vous suivez la revue de la presse avec Jean Bosco Nduimana et Sheila Irambona. De la presse. Bonjour, bonsoir. Extension de la Sosumo, approchée, la population parle d'une expropriation déguisée, titre Burundi Echo. En effet, écrit son confrère, La population ayant des terres dans les marais de Rugunga et Bareremba n'est pas tendre avec la Sosumo. Cette société sucrière a élargi ses plantations de canne à sucre sur ses périmètres occupés il y a quelque temps par ses paysans. Ils sont remontés contre la contrepartie pour l'exploitation de leurs terres cédées. La plupart des paysans interrogés par cet hebdomadaire socio-économique ne cachent plus leur amertume. Ils digèrent mal la rémunération de 10 000 francs burundais par tonne de canne à sucre donnée par cette société. La Sosumo balaye du revers de la main ses accusations et parle d'accord gagnant-gagnant, souligne ce journal. Un des projets qui est déjà en cours pour booster la production de la Sosumo est l'introduction de nouvelles variétés de canne à sucre, car les 6 variétés qui sont cultivées par cette société sont vieilles de 34 ans, note Burundi Echo, citant Aloïse Ndaikengrukiye, administrateur directeur général de la Sosumo. La fondation Wikimedia Média veut apporter sa pierre dans l'édifice de l'éducation de qualité au Burundi, annonce la voix de l'enseignant. Ce journal écrit que le mouvement Wikimedia est un mouvement social, international et intercommunautaire qui a pour mission d'apporter un contenu éducatif gratuit à l'ensemble du monde et dont le projet le plus connu est Wikipédia. Le mot Wikimedia est le nom de marque de la Wikimedia Foundation, qui chapeaute le mouvement de façon institutionnelle. Cette fondation a pour mission d'inciter les gens du monde entier à collecter et développer des contenus éducatifs sous licence libre et dans le domaine public, et à les diffuser efficacement et mondialement. Selon la voix de l'enseignant, la fondation Wikimedia s'inspire du programme de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de l'éducation aux médias et en l'information. Ce journal précise que ce programme vise à développer les connaissances et les compétences des individus pour leur permettre d'utiliser avec discernement les médias de manière critique et créative, tant dans la vie quotidienne que professionnelle. Au Burundi, la fondation Wikimedia veut s'intéresser d'abord aux enseignants. Gilbert Ndiokugayo, le principal volontaire précurseur de la fondation Wikimedia au Burundi, indique dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation qu'il faut que l'enseignant soit un catalyseur pour donner aux élèves les compétences nécessaires afin de compléter avec les autres élèves où qu'ils soient. Revue de la presse. Deux enfants sont morts en province Kayanza à cause des pesticides consommés. C'était le mercredi 28 septembre sur la sous-colline Homero, colline Karindi, en commune Gahombo, rapporte l'agence burundaise de presse. Selon les voisins de la famille éprouvée, écrit ce journal, ces enfants auraient consommé des pesticides destinés à éliminer les punaises qui attaquent les caféiers. Les administratifs communaux de Gahombo exhortent leurs dirigés à en découdre avec la conservation des produits phytosanitaires dans leur maison, du fait qu'ils ont des conséquences néfastes sur la santé humaine, rapporte ce quotidien. Nous lisons toujours dans l'ABP que la société Waterstone Company, spécialisée dans la culture des champignons, veut l'introduire dans la province Mwaro. Une réunion d'échange à l'intention de différentes catégories d'intervenants au niveau provincial a eu lieu à cet effet, lundi 26 septembre. Pour faciliter la tâche aux agriculteurs désirant cultiver les champignons, le directeur général de la société Waterstone Company, Janvier Avyarimana, a promis que cette société va disponibiliser des bottes et aider à récolter la production pour que cette culture soit pérennisée, note l'agence burundaise de presse. On termine cette revue de presse avec Net Press qui rapporte que des bouteilles d'essence sont vendues dans la rue à Mawanda. D'après ce journal, de jeunes femmes sont nombreuses dans les rues près du marché de Mawanda, de la province de Makamba au sud du pays, où elles vendent en plein air des bouteilles en plastique remplies d'essence, sans être inquiétées, outre mesure, de faire une spéculation sur le carburant. Ces bouteilles en plastique sont emballées dans des pagnes et portées sur le dos, comme l'écrit son confrère. Un litre d'essence s'achète à 6 000 francs bourg, comme le confirment plusieurs témoignages, précise ce quotidien en ligne. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Odanda Ishimiye et Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.